Clément. Bonsoir Tonaï. Ouais, bonsoir. Ça va, mais j'avais une question. T'es comment toi le dimanche soir? Le dimanche soir, ouais. Bah tout dépend. Qu'est-ce que je fais le lundi, quoi. Non mais est-ce que tu fais pas partie de cette génération qui a le traumatisme du dimanche en mode, tu sais, un petit coup de moule dimanche soir en mode ah c'est la fin du week-end et pas du tout. Jamais. Non, parce que moi pour moi le dimanche c'est un jour comme un autre. Hein. Ok, d'accord. Alors là. Non mais je comprends ça. Je suis allé au sport avec ma fille tout à l'heure. Pas le rapport. Trois conneries. Non mais je veux dire c'est pas une journée où par exemple il y en a le dimanche c'est repos, attention c'est sacré. Moi c'est un peu ça moi. Ah ouais. Bah faux parce que j'en ai pas d'autres dans la semaine donc. Faut que je relâche à un moment donné des trucs parce que faut. Ça veut pas dire dormir toute la journée, mais ça veut dire un petit créneau. S'il y en a un où je m'octroie, ouais. Ça va être le dimanche après-midi, je peux m'octroyer ça. D'accord. Je peux me l'octroyer un peu. Ok, ok. Ouais. Ah ouais, bah écoute. Mais moi j'aime bien les gens qui s'octroient des trucs aussi, hein. Si ça. Après, je le fais peu, hein, quand mais même. Tu le fais pour toi et si c'est principal. On peut pas dire que je suis non plus le mec qui. Enfin, je fais quand même. Ah bah, je vais pas te mentir aujourd'hui. Ah merde, on n'est pas dimanche. Si on est dimanche. On a dit qu'on était dimanche dans l'autre. Non, on n'a pas dit. Hein. Non, mais c'est parce que j'ai failli le dire là. Non, mais moi je l'ai dit. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. J'ai juste demandé t'es comment par rapport au dimanche soir. Alors, parce que si c'est NCO et tout, faut me le dire. Parce que ouais, je peux faire des gaffes. Non, non. Mais là, tu vois, je voulais m'octroyer un peu le repos, puis tu vois, j'ai été appelé et tout. Oui, alors techniquement, c'est toi qui as envoyé un SMS, mais enfin un message. Mais oui, c'était prévu. Non, mais c'est vrai que parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte, c'est que en fait, c'est un peu la course. Autant au début, les capsules, ça gérait trop bien. Ouais, grave. Et en fait, on s'est retrouvé à un moment donné où Tonaï a eu des galères de boulot qui ont fait que son planning a totalement été inversé et donc il travaille en décalé de mois. Ouais. Ce qui veut dire que maintenant, il faut qu'on arrive à trouver des subterfuges pour faire ouais, ça. Ouais. Alors, heureusement, on a eu des jours fériés, on a eu des moments où on s'est retrouvé. Il a eu des petits changements de double semaine de la même dans la même configuration qu'on fait qu'on a pu. Mais ouais. Non, on s'est bien démerdé quoi. On s'est bien démerdé. On a pensé à vous les gens. Ah bon, bah c'est en fait techniquement que pour eux qu'on fait ça. Là, hein. Vraiment. Ah non, mais ça fait et pour le plaisir. Aussi. Oui, non, non, ouais. Alors, c'est toujours un plaisir de le faire ensemble, bien sûr. Ouais. Mais on pourrait se voir pour le plaisir et Marc, ça serait peut-être un autre plaisir parce que c'est pas le même plaisir, tu vois. Que de se voir juste pour le plaisir? Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, bah oui. Tu oui. vois, parce qu'on s'est vu pour le plaisir vendredi ouais. et c'est pas le même plaisir. C'est deux plaisirs différents. C'est vrai. Tu vois. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Après, c'est peut-être parce qu'on est juste que tous les deux. Ouais, c'est et que je suis pas très prêteur. Ouais. Peut-être. Ah bon? Allez. Oh putain, j'ai pas préparé merde. Le truc qu'il faut préparer. Bouge pas. Bon bah alors vas-y. Donc bah fais le petit générique. Oh little brother, it's been a really bad fly. It's been a really bad fly. Yeah. Pas mal. Je sais pas de quoi c'était, mais c'était pas mal. Ah non, mais c'est de la totale impro. Eh ben. Si y en a que ça a plu, eh ben, écoute. Je sais même pas si j'arriverai à le refaire. Ah ouais? Bah, je vais pas te demander de le refaire. Non. Donc là, on va parler d'un groupe. Alors, d'un groupe mélodique. Encore? Wow. Mais un peu. Ah, comment te dire? Peut-être plus psyché? Plus. Ah, ça y est, je l'ai. Tu l'as? Ok. Ok? Ouais. Qui ont un chanteur très discret. Tu trouves? Oh, il est super discret. Je l'ai cherché pendant toute mon écoute. Bon, bah, je crois que tu vois de qui on va parler, alors. Ouais, je pense aussi, ouais. Bah, allez, vas-y, alors. Alors, on va parler de Monkey 3. On va effectivement parler de Monkey 3. Là, j'ai pris un extrait au pif, ça risque peut-être pas de bien se passer. C'est un peu de risque. C'est une idée. Non, mais oui, mais ça peut être une longue plage. Oui, avant que t'attendes un peu, là. Extrait de 6 minutes. C'est parti, les amis. Le morceau fait 10 minutes alors. Voilà. C'est juste un extrait, hein, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Marc, je peux en profiter pendant le début de l'extrait, tu sais, je triche un peu. Donc, Monkey 3. Ah, exact, vas-y. Apparemment, ils sont pas d'accord. Bon, puis après, vous imaginez bien, ça continue de monter, tout ça, c'est le concept de ce genre de musique. Et de descendre aussi, des fois. Et oui, effectivement. Donc, Monkey 3 est un groupe de stoner psychédélique instrumental. Et oui, c'est le troisième groupe au moins qu'on fait sans chanteur. Mm. Comme quoi, ça a la cote. Et qui vient de Suisse. Oui, tout à fait, j'allais dire de Lausanne, si je veux faire le malin. Ah, ouais. Ah. Okay. Et on en parlait justement avant d'enregistrer, mais moi j'ai eu le plaisir de voir un concert hier d'un autre groupe instrumental et j'ai pris une claque. Tu vois, pour te dire à quel point j'ai pris une claque, j'avais un peu envie d'aller les voir quand ils vont jouer un Purple Zone, parce qu'ils jouent à Hellfest. Ouais. Et je crois que je vais y aller. Hein. J'ai sacrifié quelque chose pour y aller. Hein. D'accord. J'ai envie de les revoir. J'ai trop kiffé, quoi. D'accord. C'était trop bien. Donc, Monkey Free Group, qui est déjà venu moult fois au Hellfest. Oh. 2010, 2012, 2017, 2022, qui est l'édition où moi, je les ai vus. D'accord. Parce qu'on les a déjà chroniqués dans le podcast. Ils ont les clés aussi, eux. Ouais. Ouais, ils maîtrisent, ouais. Je pense, en termes de... Double dans ce festival. Je sais pas, mais ouais, par contre, ils ont carrément dû voir l'évolution totale. C'est 2010, 2012, 2017, ils ont vraiment vu le truc. Carrément, ouais. Putain, ils ont rajouté encore des trucs, c'est con. Tu vois, parce que la dernière fois, 2022, ils ont joué sous une tente. Donc là, ils vont jouer sur une tente. Donc, enfin, sur la vallée. Donc ça a pu. Oui, sur une tente. Ouais, non. Eh ben, pourquoi pas. On verra. C'est peut-être une des nouveautés qu'on nous a pas encore annoncées. Donc, comme on a dit, donc, ils viennent de Lausanne et ils se sont formés en 2001. Mais à la base, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'était une espèce de communauté de groupe de, ils faisaient des jam sessions, en fait. Ah, ok. Ils faisaient juste ça. Ok. Et puis, en fait, par amour de la musique, du psychédélisme, du stoner, ça s'est transformé petit à petit en groupe. Au moment de 2023, ils ont dit « Ok, on sera un groupe permanent avec 4 membres, basse, batterie, guitare et clavier. » Bah oui. Donc, oui, mais ça s'est pas fait. Tu vois, ils sont pas partis un peu. Non, ouais, ils sont partis sur, comme tu viens de dire. Bah, un peu comme même Sleeping Karma, c'était ça aussi, rappelle-toi. Ouais. Tu vois, il y a des groupes. Mais après, il y a une symbiose qui se crée, tu peux plus t'en passer. Après. Tu peux plus t'en passer. Donc, le premier album, il est sorti en 2003, c'est en autoproduction, et il a été pressé à 1000 exemplaires. Ok. Voilà. D'accord. C'est quand même pas si mal. Bah, ça paraît peu, quoi, pour un. Bah, c'est parce le groupe maintenant jouit d'une certaine réputation, mais oui, à l'époque, voilà, il s'est quand même. Voilà, c'est bien. Le second album, 39 Laps, il commence vraiment à établir le son du groupe, à savoir un mélange de rock psychédélique, de stoner, de rock progressif et aussi beaucoup de space rock quand même. Oui, il y a pas mal de trucs où. Oui. Tu voyages, parce que c'est un peu aussi pour ça que le groupe est connu quand même. Tu vois, si par exemple, je sais que je fais pas partie de cette team-là, mais clairement, c'est un groupe pour les gens qui ferment les yeux. Oui. Parce que. Mais pas que. Bah, moi qui les ai vus en live, ce qui se passe sur scène est bien, mais c'est peut-être pas, t'as pas autant besoin de regarder. C'est vraiment musical. Clairement. Là, donc, clairement. Ils ont aussi fait une petite, je te le glisse dessous, mais un petit EP de reprise, Undercover, où ils reprennent Once Upon a Time in the West, en un truc un peu plus puissant et aussi une reprise de Kiss avec au chant John Garcia. D'accord. Le mec de Hermano. Celui qui chante dans Hermano. John Garcia. OK. Tu vois John Garcia. Ouais de Hermano là. Ouais, par exemple voilà. OK. Après on arrive je vais pas tout raconter, mais on arrive en 2013 avec The Fifth Sun, le cinquième soleil, qui est la première étape de Monkey 3 sur Napalm Records, qui est quand même pas un label normalement trop branché là-dessus. Bah oui, c'est vrai que comme tu dis, ouais. Et qui est donc l'album qui contient la chanson Icarus, qui a été votée comme l'une des chansons les plus remarquables de l'histoire du stoner rock. Ah ouais. Ouais, carrément. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que pour beaucoup, Monkey Tree, ils sont considérés comme un des plus gros groupes de ce style-là, et qu'eux, ils ont tendance à dire non, on se considère même pas comme ce genre de style-là. Parce que dans une interview, j'ai vu, quand il en parle, ils disent non, enfin, parce que nous, on a tendance à dire ouais, vous êtes un peu les pionniers de cette scène. Il dit nous, pas du tout. On a été affiliés, mais pour nous, on en fait vraiment même peut-être pas partie. Ouais. Voilà, donc ils sont pas du tout voilà. Parce que lui, il dit moi, je suis moi-même un grand fan de punk hardcore. Donc tu vois, non, je suis d'accord. Mais en fait, il y a une espèce de truc qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui les ont aimés, qui ont eu envie de voir jouer. En fait, ça s'est fait comme ça. En fait, c'est des gens. En fait, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vraiment venu naturellement, quoi. Ils ont sorti des trucs, les gens ont aimé, ça s'est fait comme ça progressivement, sans jamais trop monter, en fait, sans jamais exploser. Oui, mais après, c'était peut-être pas l'ambition qui a animé tout leur truc, quoi. Tout à fait. Ça s'est fait par hasard. Non, mais tout à fait. Après, ils ont eu une popularité assez élevée très vite ou non, justement, je te dis, voilà, mais en fait, c'est progressif. C'est progressif, mais sans jamais que eux forcément recherchent, sans jamais forcément qu'il y ait de trucs qui ressortent. Mais ça s'est fait d'une certaine manière. Et en fait, c'est comme si ça continuait de monter, mais sans exploser. En fait, tu vois, ils sont reconnus comme tels, ouais. sans être pourtant méga, méga connus. C'est D'accord. un espèce de truc. C'est une progression saine, en fait. C'est les gens qui aiment, ils se rattachent les uns aux autres. Mmh, et puis, du coup, bah, ça grandit naturellement, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Autre petit point que j'ai pas précisé pour l'EP. En fait, c'était que, alors si je dis pas de conneries, c'est qu'il y a eu une embrouille avec une espèce de maison de disques à un moment donné. C'était pour essayer de s'en libérer. Et pour eux, de leur côté, c'était une manière aussi de montrer une vision de l'intérieur du groupe et savoir ce qui les a influencés, eux, en fait, tu vois. C'était un truc pour faire des collabs et montrer des trucs. Ah, ok, d'accord. Okay. Ouais. Ils étaient, oui, puis ils étaient peut-être pas aussi libres qu'ils auraient voulu. Ils préféraient, je pense, faire ça que faire un album qui leur correspond. Oui, voilà, ok. Après, j'espère que je confonds pas cette histoire avec une autre. Et sinon, tant pis. J'espère aussi, parce que ça voudrait dire que c'est une fake news. Non, alors c'est sûr qu'ils ont dit que c'était pour faire parler d'eux, mais ouais, après, okay. voilà. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on va parler un petit peu rapidement, parce qu'ils ont un album qui est sorti en 2024. Ouais. Et c'était la première fois que c'était un album concept. Ah, d'accord. Ouais. Et ils avaient un petit peu hésité à faire ça, parce que pour eux, tout l'album et toutes les chansons fonctionnent entre elles. Et ils n'avaient pas envie de rester aussi bloqués dans ce truc-là, parce que maintenant, par exemple, pour faire une setlist de concert, ils savent plus comment faire. Parce que du coup, tu sais, ils veulent jouer des anciens morceaux et des nouveaux morceaux. Ouais. Mais ils peuvent pas le faire. Enfin, c'est plus compliqué vu qu'ils sont en train de mettre des chansons de cet album concept-là, que tout est lié. Donc, faut qu'ils arrivent à détacher des chansons de cet album concept et les mélanger avec d'anciennes chansons. Okay. Et donc là, apparemment, c'est un peu compliqué, c'est un peu la galère. Ils avaient aussi envie de montrer dans cet album que il y a comme en fait une espèce de narrateur qui, même sans chanteur, raconte l'histoire. C'est la musique qui est censée nous raconter une histoire. Elle est censée raconter une histoire autour de la thématique homme-machine. Et pour ce faire, eux, ils ont tenté d'opposer ou de juxtaposer des sonorités électroniques aux sonorités purement analogiques afin de développer un son particulier et de créer une atmosphère un peu futuriste. Donc, pour eux, le narrateur et l'auditeur, tu vois, donc c'est inversé. Chacun peut imaginer sa propre histoire, son propre monde, sa propre aventure. Cet album pose des questions plus qu'il ne donne de réponses. Ah, c'est chaud par contre. Ah, voilà. Parce que pour te dire, les thèmes musicaux de ce dernier album, c'est plus des films tels que 2001, Matrix, Solaris, 1984, tu vois. Donc il y a. Et en plus, en rajoutant, bien sûr, l'intense histoire d'humanité contre la machine, Comme ça, tu vois. Okay. Un peu l'inverse des projets d'Athéna. Ouais. Oui. Tu l'as. Ouais, je l'ai, ouais. Mais bon. Donc là, c'était un peu pour baser deux, trois choses sur le groupe. J'ai aussi lu qu'il y avait un titre. Il voulait plus jouer en live parce que c'est lui qui doit le chanter et qu'il estime qu'il est pas bon chanteur, il veut pas le refaire. Donc il y a un des titres. Il y a eu quand même quelques titres avec chant. Alors, je sais pas. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je ne sais pas si c'est par rapport à l'EP, l'EP de reprise ou si c'est un autre moment. Enfin, je ne sais plus. D'accord. J'ai un peu travaillé tout dans l'urgence, donc c'est possible que j'ai des trucs. Mais en tout cas, Monkey Tree, groupe sans chanteur. Groupe instrumental, groupe space, opéra, stoner, qui planax. Qu'est-ce que toi, Tonight, t'en as pensé? Parce que techniquement, sur le papier, c'est gagné. Eh ben, en effet. C'est win. Non, mais c'est clair. Enfin, j'en avais déjà entendu parler. Il y a beaucoup de groupes, en fait, j'ai beaucoup entendu parler. Et les gens donnent que des bons conseils. Et bon, est-ce que c'est une histoire de temps? Est-ce que c'est une histoire de... On prend pas le temps. On peut pas tout écouter non plus. Là, hein. Tu vois, capsule oblige, trop bien. Mais tu sais que mine de rien, c'est ce que moi j'apprécie. Alors, c'est un peu débile, mais la contrainte pousse à faire plus de choses des fois que l'inverse. Mais non, c'est clair. Donc, c'est clair. Quand t'as le choix, tu prends souvent la mauvaise décision, facilité, si t'as le choix entre être tranquille et faire ce qu'il faut faire, tu vas peut-être rester tranquille. C'est pas forcément le bon choix. Oui, mais parce qu'aussi, tu tombes aussi sur le côté, des fois, quand tu veux écouter un truc, tu penses pas forcément en termes de nouveauté, tu penses à des trucs que t'aimes bien et tu veux réécouter ces trucs-là. Moi, je suis à fond là-dedans. Voilà. Quand je kiffe, ça prend le maximum de mes écoutes, souvent. C'est pour ça. Donc, là, d'avoir des contraintes, ça te pousse à découvrir d'autres choses. Voilà. Non, mais carrément. Mais bon, reprends sur Monkey Tree. Donc, c'était une putain de découverte de ouf, une pépite même. Ah ouais, franchement, c'est... Après, c'est vrai que tout ce qui est, post-metal, instrumental et tout, des trucs dans ce délire-là. En plus, là, c'est vrai qu'on est carrément dans le psyché, le voyage, limite un peu science-fiction, des fois, ça t'emmène dans l'espace et tout. Moi, je rentre dedans facilement. Moi, c'est... Il y a pas trop de problème avec ça. à l'écoute, bah moi je suis plutôt du genre à fermer les yeux, tu vois. Ouais, je comprends. Et j'en ai entendu parler. Hein. Et c'est vrai que ben tu fermes les yeux et là t'es dans du rêve à l'état brut, quoi. Non mais vraiment, tu tends la main, t'attends qu'on t'attrape et puis tu te laisses emmener. Et c'est parti. Et ouais, non, c'est parti. Et franchement, ben au fur et à mesure de mes écoutes, il y a aucun moment où on me lâchait et j'en sortais. Et tu vois, parce que ça peut arriver des fois, t'es dans un truc, tu kiffes. Ah, tu passes par un morceau ou ouais, un truc ça, qui t'en fait sortir et tout, peu, ouais. Et puis des fois ça te perturbe, faut rentrer dedans et tout ça. Bah avec mon Kiss Free, j'ai jamais eu ce problème là. Non, t'es resté tout le temps scotché. Je suis toujours resté scotché et tout. Il y a même eu des moments où tu sais où bah la vie, bah t'as des choses à faire, tu lâches un peu les coudes, tu fais d'autres trucs, tu retournes dedans et puis hop. Tu replanes. T'ouvres les portes du bus, tu rentres dedans, tu rentres école direct. Et vraiment, mon Kiss Free, ça a été que ça, quoi. Bon, bah, c'est top. Après, je sais pas comment le détailler vraiment bien. Parce que c'est. Enfin, voilà, c'est de l'expérience. C'est psychédélique. Mais voilà, ça, tout le monde le. Enfin, tous ceux qui connaissent savent. Mais à l'écoute, à part le côté, enfin, je sais pas comment l'exprimer, le côté voyage, le côté intérieur, je sais pas, c'est. Bah ouais. Si chacun fait son voyage, en plus, bah, avec ce genre de choses-là. C'est ce qu'ils ont dit, hein. C'est ce qu'ils ont dit. Tu te retrouves devant un tableau abstrait, machin, chacun va en avoir sa définition, Monkey Sweet, on pourrait se retrouver à en parler sûrement sur des définitions, des choses comme ça, mais après, de là à dire alors, quand t'as fermé les yeux, tu penses à quoi, toi? Bah, on va tous avoir un délire différent, tu vois. Bah, moi, je te dirais clairement, j'ai pensé au fait que je voyais rien, quoi. Ouais, bah, toi, tu te dirais, bah, je pensais à l'arbre qui était devant moi, parce que, bah, je ferme pas les yeux, moi. Mais en fait, non, tu vois, par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'entre Russian Circle, My Sleeping Karma, Monkey Shui ou encore Stone from the Sky, qu'on a cité sans les citer tout à l'heure, ouais. On est face à quatre groupes. Alors, on peut peut-être retrouver un peu de Monkey Shui et de My Sleeping Karma, on peut peut-être retrouver un petit peu ce côté planant sur les deux. Mais avec Russian Circle et encore Stone from the Sky, on peut arriver, en fait, on se rend compte que malgré que ce soit des groupes sans chanteurs, ils ont des dimensions différentes. Ouais, et que ouais, c'est ouais. Pas limitant, en fait. C'est mais pas ça, du tout limitant. Mais en même temps, ça peut être que normal. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu commences à parler avec tes tripes, avec ton instrument, ça peut jamais être deux fois pareil. Tu vois ouais, ce que mais par tu exemple. Tu peux avoir une base un peu similaire si c'est le même groupe ou des choses comme ça, mais d'un groupe à l'autre, tu vas forcément avoir des... Je suis d'accord, mais t'as pas, par exemple, de groupe instrumental de hardcore. Ou en tout cas, j'en connais pas. Il y en a peut-être, mais j'en connais pas. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça pourrait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste intéressant de se dire que, groupe instrumental veut pas dire groupe toujours pareil, en fait. Il y a justement plein de groupes qui arrivent à créer autre chose. Ouais. Et en vrai, quand t'aimes la musique, bah, t'as un peu l'expression la plus pure de la musique, quoi. Oui, non, mais, et puis je suis sûr que ça serait pas infaisable, en vrai, tu vois, par exemple. Non, je pense. Le fait. Mais c'est vrai que peut-être c'est quand même une musique qui a besoin d'avoir l'instrument supplémentaire, la voix, quoi. Oui, ou parce que des gens n'ont pas essayé. Des gens n'ont pas essayé. Ouais, non, mais après, je dis pas que c'est injouable, hein. Non, mais tout à fait. Mais bon, en tout cas, Monkey Sweet pour toi. Eh ben, il y a quand même un point négatif. Ah! Ouais. Aïe, c'est aïe, que, aïe. En fait, j'ai essayé en... Aïe, aïe, aïe! Il y a quand même un point négatif. C'est que j'ai essayé en musique de fond. Et en fait, ça marche pas du tout dans le sens où, tu vois, je l'avais mis en musique de fond, j'étais en train de bosser sur un truc et tout. Et j'arrivais plus du tout à bosser sur ce que j'étais en train de faire. La musique m'avait carrément appelé. Oui, donc là, il y a un problème. Ouais, à ne pas écouter en musique de fond. Non, si c'est problématique. Un truc, surtout si, je sais pas, vous êtes en train de faire à manger. Conduire. Tout, conduire. Ou conduire même. Bah, c'est dangereux. Avoir des accidents. Bah, tiens. Tu vois, ou alors en cuisine, tu confonds le sel avec le sucre. Oh là, la cata. Non, mais voilà, c'est les genres de dingueries qui pourraient se passer. Ouais. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé. C'est pas si mal, c'est bien noté. Eh ben, du coup, merci Tenaille. Bah, merci encore à toi, dis donc. Bah, comment je vais pouvoir te remercier, moi, avec toutes ces bonnes découvertes? Mais tu es là, tu le fais, ça suffit. Bah, alors, écoute, j'ai besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. C'est exactement ça. Compris. Merci beaucoup, Tenaille. Eh ben, merci à toi. On se retrouve à la prochaine. Bon, ouais. Allez, salut. Tchou.